Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et encore une fois, nous allons réfléchir du jeu de société, du jeu de rôle et aujourd'hui pas mal de jeux vidéo, faut quand même se l'admettre. Avec pour cette année, pour rappel, nous dès une nouvelle chroniqueuse, une nouvelle animatrice à mes côtés, j'ai nommé Sélénée. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, Sélénée ? Alors pour aujourd'hui, le sujet s'appelle espace ludique, espace de mixité, avec un point d'interrogation à la fin qui est, je pense, important. Et notre invitée est Elisabeth. Alors Malheur, ça se prononce ? Malheur, sinon c'est trop déprimant. Malheur, très bien. Et donc Elisabeth Malheur, qui est la cofondatrice de Accidental Queens, qui notamment développe en ce moment le jeu A Normal Lost Phone. Désolée pour la prononciation. Et aussi avec d'autres personnes à l'origine de l'association Rassemblement Inclusif du Jeu Vidéo. Tout à fait, ou RJV pour les intimes. Et du coup, justement, pour la première question, pour peut-être commencer à tâter un peu le terrain, qu'est-ce qu'on entend par rassemblement inclusif du jeu vidéo ? Pourquoi ces mots-là ? Alors, l'objectif de l'association, c'était vraiment de travailler sur trois axes pour permettre à ce qu'il y ait plus de personnes, en gros, on n'est pas fan du mot, mais issues de la diversité dans l'industrie du jeu vidéo. On parle vraiment de diversité sur toutes ses formes, on va pas les lister, mais pour donner que quelques exemples parmi tant d'autres, ça peut être diversité de genre, diversité d'orientation sexuelle, diversité d'handicap, etc., etc. Et donc l'objectif, c'était à travers trois axes, permettre à ce qu'il y ait plus de personnes qui sont pas blanches, qui sont pas hétéros, qui sont pas des hommes, dans cette industrie. Parce qu'actuellement, du coup, quand on rentre dans un studio de jeux vidéo, on a un peu tendance à remarquer que c'est un peu tous des clones, principalement. Bon, pas toujours, mais il y a quelques exceptions, évidemment, qui confirment les règles. Mais voilà, c'est un peu triste. Donc, le premier objectif, c'était en fait de montrer à des personnes qui pourraient être intéressées pour rentrer dans l'industrie du jeu vidéo que c'est possible, que c'est faisable. Donc, en gros, sensibiliser plutôt au niveau primaire, collège, lycée ou études pour inciter les personnes à rentrer et puis même les aider potentiellement à rentrer dans cette industrie. Le deuxième axe, c'était aussi sensibiliser les entreprises aux problématiques de discrimination qu'il pourrait y avoir ou leur donner aussi des conseils pour les aider dans les recrutements, ce genre de choses. Et le troisième axe qui était du coup plus de l'empowerment, où là l'objectif c'est pour les personnes qui sont issues de la diversité et qui sont dans le jeu vidéo, c'est les aider à avoir une place plus prépondérante, notamment sur tout ce qui est event, donc les encourager à parler plus publiquement, les aider à faire des formations de prise en parole en public, etc., etc., pour qu'il y ait plus de rôle modèle pour du coup ainsi revenir à l'axe 1 et inciter plus de personnes à rentrer dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'ils ont des modèles à suivre. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais rassurez-vous, c'est vraiment pour expliciter le sujet du jour. Voilà, moi, je suis un garçon. Le cliché du blanc urbain hétérosexuel, barbu. J'ai pas de lunettes ni de chemise à carreaux, mais presque. Est-ce que vous me voulez du mal on y a certains qui disent ça, ils disent après tout, les femmes si elles sont incluses. Regardez, il y a peut-être un quart des game designers qui sont des game designers. Qu'est-ce que répondre à ça, à ces questions? Alors déjà, non, on ne veut pas te faire du mal, je te rassure tout de suite. Mais il y a eu quand même pas mal de preuves au cours des dernières années que les personnes qui ne faisaient pas partie de ces catégories-là pouvaient ne pas toujours se sentir à l'aise dans ces espaces-là. C'est aussi permettre à tous d'être sur un pied d'égalité et du coup de proposer des espaces inclusifs où tout le monde a sa place. Et du coup, cet espace de l'entreprise du jeu vidéo, est-ce qu'on sait s'il y a un lien très net entre justement l'inclusivité au sein de ces entreprises et de ces processus de conception et les publics de joueurs et de joueuses ensuite? C'est toujours la question de la poule et de l'œuf, c'est qu'est-ce qui est arrivé avant? Est-ce qu'il y a peu de personnes issues de la diversité dans les studios parce que il y a peu de personnes, il y aurait, et encore, je mets des gros guillemets, il y aurait peu de personnes issues de la diversité qui jouent à des jeux parce que les jeux ne représentent pas une certaine inclusivité? Ou est-ce que c'est parce que les jeux ne représentent pas une certaine inclusivité que du coup il y a peu de personnes qui veulent aller travailler dans l'industrie? Et finalement, ça se rejoint. S'il y avait plus de personnes issues de la diversité qui travailleraient sur des jeux, ça se sentirait forcément dans les jeux. Du coup, ça donnerait aussi des modèles et montrerait que l'industrie est plus ouverte et ça donnerait à plus de personnes envie d'y jouer. Et cette démarche-là, elle se ressent du coup dans votre jeu Normal Lost Phone. Alors, j'arriverai jamais à le prononcer correctement. Normal Lost Phone. On prononce mal le nom aussi, hein, je vous rassure. Oui, tout à fait. Alors nous, no notre jeu, notre objectif, c'était entre autres de sensibiliser du coup sur les questions des LGBT-phobies, donc tout ce qui est discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Mais on savait aussi que si on l'annonçait dès le départ que c'était un jeu sur les LGBT-phobies, on se couperait d'une partie du public. Donc, on a essayé de se faire un jeu qui soit intéressant à jouer dès le départ, dès les premiers instants, mais qui ne cible pas un public en particulier déjà concerné par la question et que les personnes, justement, l'homme blanc, cis, hétéro, classique de 14 ans qui est aussi intéressé à jouer à Call of Duty, aura aussi envie d'y jouer et saura peu à peu sensibiliser sur ces questions-là. Donc, si je comprends bien, le pari, c'est un peu d'essayer de pouvoir non pas cibler un public très très spécifique, mais au contraire de rassembler et de faire un réel espace de mixité, comme on le disait dans le titre du podcast. C'est ça. Et d'ailleurs, pour l'instant, ça marche plutôt bien parce qu'on a eu certains sur la version prototype qu'on a eu. On a eu à la fois des youtubeurs qui s'adressent plutôt à des jeunes qui sont pas toujours très sensibilisés sur la question du coup, on fait des vidéos, des let's play sur lesquels on a vu des commentaires de type ah bah voilà, moi je me considérais comme homophobe, j'aimais pas les PD, et puis finalement, ce jeu m'a fait réfléchir. Tout comme on a aussi des témoignages de personnes qui sont concernées par des questionnements LGBT et qui viennent nous voir en disant ouais, ça m'a fait du bien de pour une fois me sentir représentée dans un jeu et du coup j'ai senti que ce jeu était pour moi, qu'il parlait de moi, etc. J'ai du coup, enfin, la volonté de Normal Lost Phone de s'adresser à un grand public est intéressante parce qu'elle semble se mettre en contradiction à des jeux qui, en tout cas, se veulent peut-être de niche, voilà, des jeux qui s'adressent à une certaine communauté, peu importe laquelle. Est-ce que justement vous avez des exemples que vous vouliez totalement éviter de jeux, voilà, c'est le jeu qu'on ne veut pas faire? Non, pas forcément des exemples précis. C'est plutôt au niveau de la sensation pour le joueur. Je vais prendre l'exemple d'un ami qui m'a dit en jouant, lui-même homme blanc, etc., etc. C'est la première fois que je joue à un jeu, on va dire queer, et que je me sens pas être le méchant dans l'histoire. Et c'est ça qu'en fait qu'on essaye d'obtenir. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on bosse aussi beaucoup en ce moment, parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle version et que justement, il y a quelqu'un qui nous a dit exactement l'opposé sur la nouvelle version qu'on a. Donc, on a encore du travail pour revenir sur ce qu'on avait avant, sur ce plaisir qu'on avait là de vraiment justement inclure tout le monde. Est-ce que le jeu vidéo serait un média justement qui serait particulièrement intéressant pour rassembler différentes catégorie de joueurs autour du même objet ludique, ou est-ce que finalement il s'agit juste d'une manière de s'y prendre et dans d'autres médias ludiques tels que le jeu de plateau ou le jeu de rôle, on pourrait observer la même chose à ton avis? Je pense que chaque médium permet d'arriver à des choses différentes et intéressantes. Après, il y a des choses qu'on peut dans le jeu vidéo, qu'on ne peut pas forcément dans le jeu de plateau, et vice-versa. Et c'est bien d'utiliser tous ces médiums. Et du coup, ça pose la question, que ce soit effectivement dans le jeu ou dans le processus créatif, comment on arrive à créer cette mixité sans que ce soit forcé, en fait, parce que effectivement c'est un peu ce qui transparaît dans la volonté de ne pas faire plutôt un jeu de niche ou un jeu communautariste. C'est effectivement cette sensation des fois que les choses peuvent être forcées, c'est ah ouais, donc voilà, ils ont fait pour faire bonne impression un jeu mixte. Sur le jeu, à proprement parler, le jeu vidéo, je n'aurais pas forcément d'exemple tout de suite, mais sur toute la question événement, j'aurais peut-être une réponse là-dessus. J'ai été à pas mal d'événements récemment où il y avait des chartes expliquées très clairement à l'avance, qui rappelaient quelles étaient les règles pour justement avoir un espace de diversité, pour avoir un espace inclusif, du type rappeler les comportements qui ne sont pas autorisés, avec des personnes... labellisé, pointé, disant celle-là, vous pouvez aller les voir si jamais il y a un problème. Et je pense que c'est le genre de choses qui permet du coup de rassurer un peu aussi les personnes qui pourraient subir des discriminations et du coup de rejeter aussi les personnes qui en pratiquent. Sachant que, bah oui, ça rentre totalement dans notre thématique parce que notre thème porte bien sur les espaces ludiques. Et quelque part, une convention ou un salon, c'est un espace ludique. Je pense qu'on est d'accord. Tout à fait. Concrètement, ce que on pourrait dire un peu pour caricaturer, évidemment, tous les règlements intérieurs disent, bah, il faut respecter son prochain, il faut pas taper dessus. Mais c'est vrai que la diversité, ça peut poser question parce que c'est des mécanismes des fois qu'on ne saisit pas et qui nous dépassent. Enfin, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens qui ne subissent pas ce genre de problèmes de minorité, etc., de minorité de représentation, des fois de faire involontairement du mal à leur prochain. Du coup, comment on éduque aussi ce public-là à une démarche inclusive? Je pense que c'est là justement tout l'intérêt sur certains événements où j'essaie d'avoir des personnes qui sont dédiées à ça. J'étais dans plusieurs événements où il y avait effectivement des chartes qui sont très bien, mais personne qui était spécifiquement là pour les faire respecter. Et j'étais sur d'autres événements où justement, bah, voilà, on pouvait dire toutes les personnes qui ont un collier de fleurs, celles-là vous pouvez aller les voir en cas de souci, et ces personnes-là vont se charger d'expliquer aux personnes concernées. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, et c'est fatigant effectivement de faire de la pédagogie aussi régulièrement. Quand c'est toujours les mêmes personnes qui subissent les discriminations, qui doivent aussi expliquer pourquoi est-ce que c'était une discrimination, etc., ça peut être très fatigant pour ces personnes-là. Donc avoir peut-être des personnes dédiées, dont c'est le seul objectif pendant l'événement, me semble être une solution peut-être adéquate. Et là-dessus, il me semble que du coup, RIJV, donc... Rassemblement inclusif du jeu vidéo, c'est une association qui est assez récente. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre dans ce sens-là, par rapport aux espaces ludiques, que ce soit des salons, des conventions, ou alors des espaces ludiques au sens où on l'entendait au début du podcast, plus dans le sens d'un espace de jeu autour d'une œuvre? Pour l'instant, on n'est pas encore là. On a bientôt fini une charte de ce qui doit être respecté au moins au sein de l'association. Et l'idée, c'est que si une entreprise, par exemple, souhaite adhérer à cette association, elle s'engage à respecter la charte au sein de l'entreprise également. Et ça sera une charte qui sera aussi, du coup, qui devrait être respectée pendant les événements organisés par l'association. Après, c'est vrai que c'est plus au sein des comportements que sur le contenu des jeux produits eux-mêmes. C'est une réflexion qui serait intéressante d'avoir, mais on n'est pas encore là. J'ai un cas en tête qu'on a évoqué l'année dernière avec Antoine Boza, donc game designer de jeux de société tels que Tokaido, et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'était Samurai Spirit. Dans Samurai Spirit, il expliquait vouloir recréer une sorte de les 7 samouraïs de Kurosawa à travers un jeu de société. Et en fait, il avait eu le reproche assez logique finalement de « Ah oui, mais tes 7 samouraïs, ce ne sont que des hommes. » Et il disait « Bah oui, mais moi je suis là pour faire des samouraïs de Kurosawa, donc effectivement, il se trouve que ce ne sont que des hommes. » Que répondre justement à ce type d'interrogation ? Alors, déjà, il y a beaucoup d'études à faire avant qu'on aborde un sujet en particulier historique, etc. On a beaucoup de représentations de l'histoire qui sont très masculines et qui incluent très principalement des hommes. Par exemple, la piraterie est vue comme quelque chose de très masculin alors qu'il y avait des femmes pirates. On vient de le découvrir aussi pour les vikings et les guerrières vikings. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout historienne, donc je ne sais pas pour les samouraïs. Mais ça déjà c'est un premier point, et après faut aussi faire gaffe aux personnes qui utilisent ce genre d'excuses pour finalement représenter quelque chose qui est dans un univers fictif. Si on a des samouraïs mais que par ailleurs on a aussi plein de dragons, etc., se pose la question de si on fait des entorses à la réalité sur certains points, est-ce que ce serait pas aussi intéressant de faire d'autres entorses à la réalité pour permettre d'être plus inclusif, plus intéressant pour le public et aussi du coup plus accueillant. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs fois sur internet notamment des gens qui disaient non mais de toute façon nous, alors je cite le propos, hein, nous hommes blancs cis hétéro machin, on est le jeu vidéo, c'est notre loisir à nous, culturellement c'est à nous, et on essaye d'envahir notre loisir, on n'a pas besoin d'être inclusif vu que c'est pour nous à la base. Donc, bon, moi j'ai mon idée là-dessus, mais toi qu'est-ce que tu aurais à y répondre ? Je pense que c'est très dommage de se dire que un loisir est fermé à un type de personne, mais c'est valable pour tout. C'est comme par exemple l'opéra aujourd'hui est plutôt réservé en France à un public relativement classisé, supérieur, etc., alors que dans d'autres pays il va y avoir des places d'opéra beaucoup moins chères spécifiquement avec pour permettre l'accès à des personnes moins aisées. Et je trouve ça très très dommage que de se dire qu'un loisir est réservé à juste certaines personnes. Donc que ce soit l'opéra, que ce soit le jeu vidéo... Et est-ce que ça représenterait une réalité du point de vue de l'histoire ? Même pas forcément. Les tout premiers jeux d'arcade, genre je parle des Pong, etc., étaient des jeux plutôt familiales au final. Et peu à peu, ça a été de plus en plus marketé pour les petits garçons, public 8-16 ans, etc. etc. Mais il y a toujours eu beaucoup de personnes qui jouaient de tout genre. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes se revendiquent joueurs de tout type de jeu, et c'est une bonne chose. Il y a une différence entre l'expression en public... dans l'aspect revendicatif et la pratique, il y a eu des tests notamment avec comment elle s'appelle, Ashley Burns, je crois, qui est une actrice, une doubleuse notamment du jeu Borderlands, qui a fait le tour des écoles américaines avec une sociologue, et en fait qui a fait un travail en demandant à des classes de collège, lycée, voilà, qui joue dans la salle. Quand c'était un public mixte, c'était surtout les garçons qui levaient la main. Et quand on virait les garçons, bah, on remarquait que les filles aussi défonçaient des gens sur Call of Duty. Chose intéressante, et je vous invite totalement à regarder leur TEDx qu'elles ont fait. Tu voulais réagir. Ouais, j'avais juste un truc à rajouter par rapport à ça. J'ai remarqué ça aussi pour Pokémon Go. Pokémon Go qui a fait un phénomène un petit peu... et où on a constaté dans les statistiques en fait, qu'il y avait même plus de joueuses que joueurs. Mais en fait, dans l'espace public, les gens qu'on voit jouer à Pokémon Go, c'est soit des hommes seuls, soit des couples, ou alors des groupes mixtes, mais jamais de femmes seules. Et du coup, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui jouent, mais en fait, c'est juste que le comportement dans l'espace public, en fait, est genré de toute façon, qu'il y a une pression effectivement exercée sur les femmes dans l'espace public qui ne peuvent pas se permettre d'exprimer les mêmes... Donc je pense que c'est aussi une piste là-dessus... Puis il y a toute la question de l'appropriation de l'espace public qui se pose aussi, avec du coup finalement peu de femmes qui vont aller oser seules dans la rue. Il y a eu pas mal d'études à ce sujet d'ailleurs sur comment les femmes se comportent dans la rue, et ont montré que justement les hommes avaient plus tendance à voir la rue comme un espace qu'ils pouvaient occuper à travers des parcs ou des skateparks ou ce genre de choses, alors que les femmes voyaient plutôt la rue comme un lieu de passage obligé entre deux lieux. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose d'assez dommage, mais qui est malheureusement aussi lié à toutes les problématiques de harcèlement de rue qui sont très très fortes en France. J'ai eu l'exemple en temps réel, en jouant à Pokémon Go justement, à un moment où je capturais une arène, et où il y a un type à 2 mètres de moi qui s'exclame « Oh, qui est-ce qui a pris l'arène ?» Et là, il y a un autre type à 5 mètres plus loin qui dit « Ah, c'est moi !» Alors que, en plus, c'était mon pseudo qui était dessus et tout. Et ils ont commencé à discuter ensemble, etc. Et moi, j'étais invisible au milieu. C'était assez extraordinaire. Effectivement, c'est assez révélateur de cette différenciation entre les pratiques et ce que les personnes déclarent aussi. Effectivement, ça pose beaucoup de questions. Là où je voulais en venir, c'est que aussi, on a maintenant un certain nombre d'outils pour repérer les contenus. J'allais dire sexiste, mais non, j'allais plutôt non mixte. Je pense notamment au test de Bechdel, si je dis pas de bêtises. J'imagine que maintenant on a une série d'outils théoriques et même pratiques à appliquer. Est-ce que justement, peut-être, est-ce que tu en connais d'autres? Est-ce que tu as peut-être des retours à faire sur ces tests à appliquer au contenu, que ce soit ludique, mais aussi peut-être au contenu culturel, globalement. Alors, le test de Bechdel en particulier a été pensé plutôt pour le cinéma, mais ce n'est absolument pas un test scientifique ou quoi que ce soit. Je me souviens, j'étais à une conférence justement de Bechdel, où donc du coup c'est une dessinatrice de BD qui est queer et qui parlait de des BD qu'elle faisait, où notamment elle parlait de ses amis queer dans la BD. Et c'est juste une copine qui régulièrement, quand elle allait voir un film, disait moi je veux pas aller voir le film s'il n'y a pas deux nanas qui parlent entre elles et qui parlent entre elles d'autres choses que d'un mec. Et du coup, elle a dessiné cette amie dans sa BD. C'est devenu depuis le test de Bechdel, ce que du coup Bechdel reproche beaucoup, parce que c'est même pas son invention, c'est juste son amie qui a dessiné ça. Et en plus, c'est brandi désormais, etc., comme une preuve que une œuvre est féministe ou pas du tout. Alors qu'une œuvre peut très bien être féministe et ne pas respecter le test de Bechdel. Il peut, par exemple, y avoir une œuvre où il n'y a que des hommes et une seule femme, et ils parlent régulièrement des problèmes que ça pose que de n'avoir que d'une seule femme, et ils remettent en cause la société et ces conditions-là, et ce serait quand même quelque chose de féministe. Ou à l'inverse, il peut y avoir des femmes qui sont deux femmes qui discutent entre elles que d'autres choses que d'un homme, mais qui font que parler de shopping, et ça serait pas pour autant que... ça ferait quelque chose d'intéressant, de mix, etc., malgré le fait que ça respecterait le test de Bechdel. Je sais qu'il y a eu quelques tentatives pour essayer de faire des outils pour justement, en ce qui concerne les jeux, une sorte de test de Bechdel amélioré, avec aussi la question de est-ce qu'il y a oui ou non des personnages dans le jeu, etc., et comment ils sont représentés. Mais savoir si une œuvre est inclusive ou pas... est tellement compliqué et dépend tellement de l'œuvre elle-même et de comment est-ce que les choses sont représentées dans cette œuvre-là que je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir un test standardisé pour valider ou pas une œuvre. Et du coup, ça pose une autre question. Est-ce que la question de la problématique de la parité, est-ce que la parité est souhaitable, la parité forcée, je parle avec presque des quotas, il faut bien une femme sur deux, etc. Ça pose de vraies questions. Qu'est-ce que, par exemple, vous en pensez au sein de l'association? Est-ce que c'est souhaitable? On parle d'entreprise ou de jeu? Pourquoi pas les deux? Il faut de la diversité. Après, instaurer des méthodes de quotas, de toute façon, c'est interdit en France, donc la question ne se pose même pas, en fait, en réalité. Actuellement, il n'est pas possible de publier une offre d'emploi en disant qu'elle est réservée aux hommes ou qu'elle est réservée aux femmes. Dans la pratique, c'est autrement, on le sait. Oui, effectivement. Mais ça reste illégal. Oui, effectivement. Mais enfin, ça pose la question des outils pour parer la non-mixité. Et effectivement, je pense que il y a beaucoup de game designers actuellement qui ont montré leur soutien à la cause à la fois féministe mais aussi aux causes LGBT. On voit par exemple les soutiens qu'a reçu Anita Sarkeesian, en tout cas dans le jeu vidéo. Suite à une campagne de harcèlement qu'elle a subie pour avoir osé critiquer les caractères sexistes de certains jeux. Il y a eu beaucoup d'acteurs du jeu vidéo qui ont soutenu Anita dans Anita Sarkeesian dans sa démarche, à tes souhaits. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont soutenu ça, et pourtant on voit que dans le paysage vidéoludique, en tout cas, je crois savoir que dans le paysage rôliste, mais aussi dans le paysage du jeu de société, c'est pareil, les grandes figures restent majoritairement masculines. Et comment faire pour contrer ça ? C'est justement l'objectif de l'association, et c'est pour ça que je parlais des trois axes tout à l'heure, et j'ai toujours la question de l'ouroboros, du serpent qui se mord la queue, de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui incite peu de personnes issues de la mixité à rentrer dans le jeu, et parce qu'il y en a peu qui sont dans le jeu, et du coup ça donne pas de modèle aux autres personnes. Donc du coup il faut attaquer sur plusieurs fronts à la fois. Que ce soit le front éducatif dès l'enfance, faire des ateliers de découverte des jeux, des ateliers d'initiation à la programmation, à la logique, et montrer aussi surtout des modèles, mettre en valeur les personnes qui travaillent, et aussi quand on organise des conférences par exemple, essayer de vérifier à ce qu'il y ait pas que des intervenants qui soient des hommes blancs, etc., pour montrer qu'il y a autre chose qui existe. Et parfois, ça comprend à aller les chercher. Et je vois certaines conférences qui, justement, se font pas sur des appels à conférenciers, où c'est les personnes qui les organisent, qui vont à la recherche de personnes qu'elles pensent être pertinentes, etc., etc. Et je suis assez hallucinée de voir que justement, parfois, quand il y a des personnes qui sont sensibilisées à cette question, et ils vont être là, ils vont trouver beaucoup d'intervenantes qui vont dire des choses très très bien, et qu'il n'y a pas un manque de personnes, c'est pas parce qu'il y en a moins, il y a autant de personnes à dire qui sont là à dire des choses intéressantes. Et d'autres événements en parallèle où juste non, ils cherchent même pas, en fait, ils se posent pas la question, et finalement on se retrouve avec toute une liste d'intervenants qui sont tous très hétérogènes, et c'est quand même bien dommage. Et est-ce qu'en ce moment, on pourrait dire qu'on est dans une phase où il y a du mieux, et on a l'impression qu'on peut quand même avoir de l'espoir et apporter des valeurs plus progressistes ? Ou est-ce qu'au contraire, on pédale un peu dans la choucroute, et puis c'est laborieux, voire on a un retour en arrière ? Je dirais pas qu'il y a un retour en arrière, mais c'est vraiment de mon point de vue, de ma visibilité. Après, est-ce qu'il y a eu un gros progrès au cours des dernières années ? Je dirais pas non plus que c'est un secteur qui évolue très très vite. Plus de personnes qui ont l'air de prendre conscience peut-être du problème et à vouloir mettre en place des choses pour le changer, donc j'ai bon espoir que ça va se réveiller prochainement. De quoi justement tu parles exactement en parlant de retour en arrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose de symptomatique qu'on pourrait citer ? Non, justement, je crois pas avoir observé le retour en arrière. Effectivement, ouais. Juste le manque d'avancée. Mais parce que on va pas révolutionner Rome en 3 jours. Par contre, je m'en souviens d'une conférence où j'avais été à la GDC de San Francisco, où c'était plusieurs associations qui ressemblaient au RJV, qui nous ont inspirés justement pour le RJV. Qui chacune existait en fait depuis 3 ans ou plus, et elles racontaient en fait l'impact qu'elles avaient eu au cours des 3 dernières années. Et elles montraient toute la question des réseaux, c'est-à-dire que, ok, une personne qu'elles ont formée aux jeux vidéo, qu'on lui a montré que c'était possible d'en faire partie, qui est rentrée dans l'industrie, derrière est devenue mentor, a formé d'autres personnes, etc., etc. Et comment, finalement, en 3-4 ans, les choses avaient énormément évolué grâce aux personnes. J'allais demander, effectivement, comment, entre guillemets, propager la bonne parole, parce que c'est aussi un des reproches qu'on peut faire aux conférences et aux ateliers, mais pour n'importe quel sujet, d'ailleurs, hein, c'est de s'adresser à des personnes convaincues. Oui, alors ça, c'est le truc très dommage. C'est souvent que, du coup, quand je dis qu'il faut plus d'intervenants sur des conférences, c'est pas très intéressant d'avoir des conférences où on invite des femmes pour faire une conférence sur la place des femmes dans le jeu vidéo, par exemple. Ça, on s'en fiche. De toute façon, les seules personnes qui vont rester dans la salle, c'est les personnes qui sont déjà convaincues. Les autres, ils vont dire c'est de la merde, ils vont se barrer. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des intervenantes qui sont des femmes ou d'autres personnes issues de la diversité, qui sont là pour parler de sujets, je sais pas, comme la création de leur nouveau jeu, comme un outil de programmation dont ces personnes se sont servies, bref, des sujets plus techniques pour montrer que ces personnes existent, qu'elles travaillent et qu'elles ont des choses également à dire. Et pas que des choses sur leurs propres conditions. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect associatif, mais maintenant j'ai envie de passer à un autre champ qu'on a légèrement effleuré tout à l'heure, c'est celui du game design. Comment on crée de la mixité à travers le game design ? Puisque c'est vrai que A Normal Lost Phone est un jeu solo, en tout cas ce que j'ai expérimenté. Comment peut-être à plusieurs on pourrait créer de la mixité, parce que c'est vrai que des fois on peut se rendre compte autour d'une table de jeux de rôle ou de jeux de société que parfois les hommes ils ont un peu tendance à trop ouvrir leur gueule et il ferait mieux de la fermer des fois. Alors déjà, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait du jeu de rôle, donc désolé si mes conseils ne sont plus up to date. Mais si les hommes qui jouent sont par exemple déjà sensibilisés autour d'une table sur la question, on peut utiliser un système de comptage du temps de parole. Par exemple avec un petit outil qui permet de compter combien de temps un homme parle ou combien de temps c'est quelqu'un qui n'est pas un homme qui est en train de parler. Et peut-être justement responsabilité du MJ de dire « Ah ben voilà, toi, on vient de te jeter un sort et tu ne peux plus parler pendant 10 minutes pour laisser la parole un peu à d'autres. » C'est ce genre de possibilité donc, qui me vient à l'esprit pour le jeu de rôle. Une actualité que j'avais vue aussi, c'est que... alors, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'avait intéressé, ça m'a fait... J'avais souri. Qu'à la Maison Blanche, dans les conseils de la Maison Blanche, il y avait les femmes qui s'étaient rendues compte qu'en fait leurs idées elles étaient jamais entendues et que du coup en fait dès qu'il y avait une femme qui parlait, il y en avait une autre qui répétait son idée en la reformulant pour s'assurer que ce soit pas un homme qui le fasse en se la réappropriant. Et enfin c'est peut-être qu'on peut aussi s'inspirer de ce genre de méthode, je sais pas. Tout à fait. Pour aussi que nos auditeurs et auditrices puissent comprendre le sujet, comment peut se traduire de manière non verbale, non formulée, une certaine discrimination ? Parce que des fois, notre corps peut être discriminant pour une autre personne. Le fait que, par exemple, je bombe le torse ou que sais-je. Moi, en tant qu'hétéro, blanc, cis, machin, j'ai pas forcément conscience de ça. J'ai envie que vous m'appreniez, mesdames. Non verbal. Bah oui, ou gestuel. Effectivement. Dans un cercle, par exemple, il peut y avoir des mouvements qui vont tendance à mettre une personne un peu plus à l'écart. Ça, juste faire gaffe quand voilà, on est debout, par exemple, avec plusieurs personnes, vérifier que bien tout le monde est dans le cercle et tout le monde a sa place. Éviter de faire du pied aux personnes qui ne l'ont pas sollicité pendant qu'on joue. Regarder les personnes dans les yeux et leur montrer qu'on les écoute quand elles parlent. Ça, c'est, j'ai envie de dire, enfin, j'avais lu un truc, un article sur le sujet, qui disait qu'effectivement, les femmes avaient tendance à, mais ça, c'est pareil, c'est appris, hein, à acquiescer plus rapidement et à montrer plus de signes d'écoute active, ce qui faisait que les interlocuteurs étaient plus tentés effectivement de poursuivre leur discours, alors que les hommes avaient tendance, alors après, c'est sociologique, c'est statistique, c'est pas à l'échelle de l'individu. Mais à différer leur acquiescement, et donc les femmes avaient tendance à pédaler un peu dans la choucroute parce qu'elles ont l'impression qu'on les écoute pas et à se censurer d'elles-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est vrai que ça peut jouer aussi. Voire même relancer la personne aussi, justement. Bon, là, du coup, ça, on a l'inverse des actes de discrimination, mais pour inciter à quelqu'un à parler plus. Je pense bien, j'avais fait des études à un moment, on devait faire des entretiens qualitatifs avec des gens, et on nous avait dit oui, alors pour que la personne vous interviewe, elle parle longtemps, taisez-vous. Après avoir posé votre question, la personne a fini de répondre « taisez-vous », parce que du coup, la personne, elle a dit ce qu'elle avait à dire, mais elle n'a sûrement pas tout dit. Et si vous vous taisez, en général, les personnes détestent le silence, donc elles vont continuer de parler. Donc un bon moyen est justement de ne pas rebondir tout de suite, ou alors de rebondir uniquement avec la phrase que la personne vient de dire « bon, voilà, je pense à ». Et du coup, en face, « ok, donc tu penses à ». Et là, la personne va vouloir se justifier, en dire plus, continuer de parler, au lieu de juste couper la parole ou passer à la suite. Ça, c'est un mécanisme qu'on pourrait traduire dans le jeu vidéo ? Juste, le jeu vidéo, c'est tellement large, il y a tellement de genres. Poser une question aussi large comme ça, il faut... Désolé. C'est un peu compliqué. Non mais effectivement, je profite de l'expérience que vous avez au sein d'Accidental Queens et de l'association pour voir peut-être quelle pratique vous voulez vous attaquer en priorité. Peut-être il y a certaines pratiques des fois qu'on fait volontairement ou non qui sont discriminantes et comment y remédier et peut-être quel est le plus urgent à corriger dans nos attitudes. Oula, j'ai pas fait une liste prioritaire de qu'est-ce qui est plus urgent qu'un autre, donc j'ai plutôt une centaine d'exemples en tête qui me viennent à l'esprit. Ça va être les petites blagues sexistes, ça va être les petites, pas que sexistes aussi, hein, racistes, etc. Ça c'est vraiment très très français d'ailleurs. Parce que j'ai travaillé au Canada et je le voyais beaucoup moins, et j'en discutais avec des étrangers qui avaient bossé en France et qui n'avaient pas vu ça. J'avais un ami, il m'avait raconté dans sa boîte, régulièrement, l'insulte régulière, c'était « Ah, mais ça, c'est vraiment un truc de PD, ça, c'est... » Voilà, donc régulièrement, c'est un truc de PD, « Ah, t'es vraiment qu'un PD, etc. etc. » Et résultat, son autre collègue, ils étaient tous les deux étrangers, qui lui était homosexuel, vu qu'il n'est pas habitué non plus forcément à cet humour français, etc., il a jamais osé faire son coming out, par exemple, auprès de ses collègues, alors qu'il l'avait fait dans une ancienne boîte, à l'étranger, etc., et qu'il n'avait jamais eu de problème à l'évoquer. Je pense qu'il y a beaucoup cette culture de l'humour un peu graveleux, un peu sexiste, un peu homophobe, un peu en France, qui fait qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont se sentir à l'aise et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Ce qui m'amène à demander quels sont, donc effectivement là on a un cas précis sur l'homophobie latente peut-être dans les entreprises françaises, mais quelles sont les différences culturelles en termes de discrimination? Est-ce que mieux vaut être une femme au Canada qu'en France? Quelles sont les différences qu'on peut voir là, a priori, hein? J'ai beaucoup plus souvent vu des conférencières effectivement au Canada ou des femmes dans des rôles de leadership ou des femmes créatrices d'entreprises, etc., au Canada que ce que j'ai pu voir en France. Et je pense que c'est aussi grâce à pas mal de travail d'associations justement qui travaillent depuis quelques années pour permettre ça, parce que c'était pas forcément le cas il y a quelques années, ça a évolué aussi très vite, mais c'est aussi lié à toute l'éducation qui va avec et toute une société canadienne qui est plus plus ouverte, qui promeut plus l'égalité aussi au sein de l'école, etc. Oui, c'est du coup, ce serait des différences culturelles en fait, qui seraient beaucoup plus profondes que qu'un militantisme récent. Bah, d'ailleurs, c'est souvent ce qui est reproché aux militants féministes dans le jeu vidéo, c'est de dire mais ouais, mais regardez, c'est pas que dans le jeu vidéo qu'il y a des problèmes, vous nous attaquez nous sur nos jeux, mais regardez dans l'informatique c'est pareil, dans tel domaine c'est pareil, dans tel domaine c'est pareil. Mais justement, enfin, les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo montrent les problèmes que elles subissent dans le jeu vidéo parce que c'est ce qu'elles connaissent le mieux. Mais c'est dans toute la société qu'il y a effectivement un problème actuel. Comment, du coup, on explique que le jeu vidéo, effectivement, soit pointé du doigt, alors qu'il y a peut-être d'autres domaines où, par exemple, la politique, c'est vrai que là, on voit que Donald Trump, machin, ah bah tiens, on découvre que, bah, ah tiens, il est peut-être un peu sexiste sur les bords. C'est vraiment une découverte ? Je pense pas, honnêtement, je pense pas que ce soit une découverte que Donald Trump a des idées limitées, dirons-nous. Mais pourquoi le jeu vidéo est la cible justifiée, certes, mais... qu'on pointe pas d'autres corps de métier ou d'expression. Alors, de mon point de vue, je ne crois pas que le jeu vidéo est plus montré du doigt que dans d'autres domaines. Personnellement, j'étais dans le cinéma avant et on parlait régulièrement des problèmes de sexisme dans le cinéma, les actrices moins payées, les réalisateurs qui obtiennent plus facilement des financements que les réalisatrices, etc. etc. Chaque domaine a ses propres problèmes de sexisme et de manque de diversité, etc. Il se trouve que pour le jeu vidéo, ben, forcément c'est quelque chose que les personnes qui sont dans l'industrie du jeu vidéo elles entendent plus parler parce qu'elles sont dans ce domaine, donc elles n'entendent pas forcément parler des problèmes de sexisme qu'il peut y avoir dans la bande dessinée, dans le cinéma ou quoi que ce soit d'autre. Donc elles peuvent avoir cette impression que ce médium-là est plus attaqué, alors qu'il est autant attaqué que le reste. Et je pense que cette sensation d'attaque est d'autant plus présente que le jeu vidéo n'est pas attaqué que sur ces questions-là. Il est aussi attaqué sur des questions de violence, des questions de dire que c'est mauvais pour la jeunesse, etc., etc. Et du fait que le jeu vidéo n'est pas vu comme de la culture, il se prend d'autres attaques. Je ne sais pas si vous avez vu un sondage qui a été fait récemment sur ce que les personnes considèrent comme pratique culturelle. Et ça montrait qu'il y avait seulement 7% de la population française, sur l'échantillon interrogé du moins, qui considérait le jeu vidéo comme pouvant être parfois une activité culturelle. Donc de fait il se prend aussi plus d'attaques et les personnes qui voient ça comme quelque chose d'intéressant etc. Se prennent plusieurs attaques de front. Oui, mais enfin, d'un autre côté on peut aussi dire les réponses, les polémiques qui se déroulent dans l'univers du jeu vidéo semblent excessives. Enfin, le cas Anita Sarkeesian est pas anodin, ou la mésaventure de Zoé Quinn, qui elle aussi a subi du harcèlement. Désolé, j'appelle pas ça une mésaventure. Enfin, je suis obligé de te couper, mais t'as raison, effectivement. Mais effectivement, le harcèlement qu'elle a subi est quand même massif. On peut pas dire le contraire. Il me semble pas avoir entendu de campagne de harcèlement aussi forte chez des réalisateurs qui ont eu des cas de viol, par exemple. Enfin, je veux dire, Roman Polanski, tout le monde sait. Woody Allen, tout le monde sait. Et oui, mais c'est des hommes. Ah oui, c'est pas faux, mais. Mais voilà. C'était la réponse la plus courte et la plus pertinente du podcast. Non, mais ça répond pas à la question, mine de rien. Parce que pourquoi il n'y a pas de scandale aussi fort ? C'est-à-dire, si le milieu du cinéma était sexiste, bah pourquoi, je sais pas moi, pourquoi des réalisatrices ne se font pas autant harceler ? C'est terrible. Mais elles question, se font tout à fait harceler, c'est juste qu'on entend moins parler. Tu as des cas en tête ? Enfin, parce que là, moi, personnellement, je ne connais pas. Hein. Je suis très nul en cinéma, je l'admets. Hein. J'avoue, ça fait longtemps que je suis plus dans le cinéma, mais par exemple, à mon époque, j'étais en train de créer une association de cinéma pour aider des jeunes qui veulent faire leur premier film, etc. Et dans mon association, on avait voulu faire passer une charte qui disait qu'on était au courant qu'il y avait du sexisme dans le cinéma et que, par conséquent, sans vouloir faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, on s'engageait à aider autant une femme qui demanderait de l'aide pour réaliser son premier film qu'on aiderait un homme. Et juste ça, hein. On ne disait pas qu'on allait faire des actions en plus, etc. C'est juste si jamais une femme venait, on disait qu'on allait se comporter en gros comme des gens normaux. Enfin, comme il faudrait le faire. Et bien, cette idée a été largement refusée par beaucoup de membres de l'association qui disaient, bah non, mais en fait, s'il y a moins de femmes dans l'industrie du cinéma, c'est parce qu'une femme, naturellement, c'est moins créatif et qu'elles ne sont pas faites pour être réalisatrices et blablabla. Bon, c'est un exemple local d'une petite association, mais et peut-être que du coup ça fait moins de bruit, mais du sexisme dans le cinéma, j'en ai vu pas mal à l'époque. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on entend un peu plus parler dans le jeu vidéo, et encore il y a eu des attaques aussi, par exemple sur des femmes politiques qui sont absolument ignobles, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui jouent aux jeux vidéo sont aussi des personnes qui savent plutôt bien manier l'outil informatique et du coup savent faire du bruit en ligne. Ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui bossent dans le théâtre, par exemple. J'étais spécifiquement en train de penser à ça, donc c'est super. C'est vrai que... je pense que c'est malheureusement la raison pour laquelle, effectivement, Zoe Quinn, par exemple, s'est mangée. Enfin, je veux vraiment insister dessus. Elle s'est mangée vraiment un torrent d'horreur misogyne qui est assez impressionnant. Est-ce que en France, on a vu ce genre de déferlement de haine et de harcèlement? Envers des femmes dans l'industrie du jeu vidéo ? Oui. J'ai pas d'exemple public qui me vient en tête. Après, c'est vrai que dans l'association, régulièrement, on partage entre nous des choses qu'on a pu vivre au sein de nos entreprises respectives ou sur des salons, etc. Par exemple, moi, quand je vais sur les salons, parfois, on pense que je suis une hôtesse d'être une développeuse de jeux vidéo, et ça, c'est quelque chose qui a pas mal été répété. Mais sinon, pour revenir sur la question des scandales en dehors du monde de jeux vidéo, par exemple Amber Heard, du coup, l'ex de Johnny Depp. Typiquement, elle se fait largement harceler, comme quoi, voilà, elle a menti sur les violences conjugales qu'elle aurait subies, et blablabla, alors que clairement, c'est une personne qui est victime. Et il y avait tout un article sur le blog de Myriam Mal, justement, qui parlait aussi des scandales Polanski versus ce scandale-là et tous les autres scandales et toute une liste d'hommes qui ont tous fait des choses dégueulasses et que on s'en fiche parce que c'est des hommes et qu'on continue de les apprécier quand même. Je me suis un peu étalée sur plein de sujets à la fois. Non, mais c'est effectivement très, très pertinent de voir peut-être la récurrence d'affaires concernant des réalisateurs de cinéma. Il y en a quand même malheureusement un paquet qui ont des plaintes suite à leur comportement et à leurs actions sexistes ou autres. Voilà, il y a un certain nombre. On a cité Woody Allen, on a cité Roman Polanski. Et ça fait assez peu d'écho par rapport effectivement au torrent de haine que s'est pris donc cette dame dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Zoé Quinn, Amber Heard, ouais. Par contre, d'un point de vue vraiment pratique, comment on pourrait faire pour... Parce que là, du coup, le message un petit peu de ces vagues de harcèlement, c'est en tant que femme ou en tant que personne queer, LGBT ou racisée ou tout ce qu'on veut, vous n'avez pas le droit d'exister, particulièrement dans le monde du jeu vidéo et particulièrement dans le monde du cinéma, etc. Comment on pourrait envoyer un autre message? C'est qui? Pourquoi pas nous trois, nous quatre, nous cinq, nous auditeurs de l'idéologie, oui, ou l'industrie, ou l'association, ou Déjà, je pense que chacun individuellement a un devoir de se former sur ces questions et se former en lisant énormément de ressources qu'il peut y avoir sur le net et pas forcément du coup aller demander à des personnes concernées qui en ont marre de raconter alors que justement il y a énormément de ressources sur le net pour chacun déjà à titre individuel faire gaffe à ces questions-là. Après, évidemment, il y a la possibilité de s'engager dans des assos. Et après, ça dépend de chacun à son niveau. Si on est organisateur d'événements, et ben, mettre en place des chartes, inviter plus de personnes. Si on crée des jeux, réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans le jeu, avec qui on travaille sur le jeu, à qui est-ce qu'on fait tester le jeu avant de le sortir. Je cherche d'autres exemples. Si on est recruteur, de faire gaffe sur les personnes qu'on recrute. Si on est formateur, de faire gaffe aux questions de sexisme dans la formation. En fait, c'est un travail du quotidien, à la fois dans nos métiers, à la fois dans nos vies, à la fois dans nos vies personnelles, nos vies publiques. Du coup, je vais poser une question très, très pratico-pratique, puisque là, je vois qu'on va arriver presque à l'heure d'enregistrement. En fait, du coup, parce que je trouve la question « aller sur Internet, vous aurez des réponses » est un peu facile. Moi, c'est un truc... moi-même, ça m'arrive de le dire, hein, je vous rassure. Mais quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément au fait, ne connaît peut-être pas Marlard. Pourtant, il aurait raison de connaître Marlard. Il y a beaucoup de choses à apprendre chez elle. Peut-être, est-ce que tu as des sites de référence où se former, se sensibiliser aux questions de mixité, que ce soit dans la vie comme dans le jeu? Alors du coup, j'ai cité le blog de Myriam Mal, qui est pas trop mal, qui analyse pas mal d'œuvres culturelles justement à travers un spectre et qui explique. Je cherche l'adresse. Oui, myriammal.com. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme ressource? J'ai pas mal, hein. Moi je dis ça, c'est pas... Moi, je connaissais pas, hein, donc... Oui, bah, c'est très sympathique, c'est en bande dessinée que je vous ai expliqué, c'est vrai, c'est vraiment très sympa. Après, je pense qu'il y a aussi le côté lien, c'est-à-dire on tombe sur une première chose, en général, eux, ils font des liens vers d'autres choses, etc., etc. Quasiment tous les articles que vous trouvez sur le sujet, il y aura toujours des liens vers d'autres sources et à partir du moment où on a trouvé un truc, ça peut aller très loin. Il y avait Projet Crocodile aussi sur la question du harcèlement de rue, qui était très intéressant, toujours en BD. Les explications en BD, moi j'aime beaucoup, c'est pratique, c'est agréable. Céline, je ne sais pas si tu as d'autres exemples qui te viennent à l'esprit. Là, comme ça... Disons qu'il y a tellement de thèmes différents et tellement de sujets à aborder. Il y a plein de thématiques, mais généralement, quand on tourne autour de la question de discrimination et d'oppression, on peut trouver pas mal de blogs, de BD, de sites qui sont assez pédagogues, effectivement. Et sinon, j'invite nos auditeurs et auditrices à se renseigner auprès des associations qu'il y a près de chez elles, que ce soit des centres LGBT, que ce soit des centres antiracistes, etc. Il y a sans doute beaucoup de choses. Et l'humain aussi est important. Je pense qu'il faut aussi ajouter ça. Oui, et puis des assos féministes. D'ailleurs, il y a une BD qui est sortie sur l'histoire du féminisme là récemment. Sur Le Monde, celle de Pénélope Alors, je crois pas que... Je crois que c'est de la part de Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu, justement, qui a fait aussi le projet Crocodile. Et justement, il y a une BD qui retrace l'histoire du féminisme depuis la première vague. Donc c'est assez intéressant. Et ça aussi, j'invite toutes les personnes qui pourraient écouter à aller voir ça. Et maintenant qu'on a fait un peu la... On vous a donné des pistes pour vous informer, pour vous sensibiliser, et peut-être... changer vos comportements. Peut-être dernière question à notre invité du jour. La dernière fois, pour ce début de saison, on avait commencé à demander quel est le plus grand moment de jeu, que ce soit de jeu vidéo, de jeu de rôle ou de jeu de société, que tu as connu, Elisabeth. Oula. Ou le plus mémorable, hein, c'est vrai que le plus grand moment, c'est un vague. Ah, si. Je jouais à Little Inferno. Qui est un super jeu qui est aussi une sorte de critique indirecte des jeux free-to-play, même si le jeu lui-même est payant, mais en fait le principe c'est que vous avez une cheminée et vous mettez des objets dedans Et quand vous mettez deux objets ensemble, ils interagissent et ça fait des combos et ça fait des pièces. Avec les pièces, vous pouvez acheter d'autres objets et c'est rigolo, mais en même temps, il faut attendre un peu parce que voilà, il y a un temps de rechargement des objets et des pièces, etc., etc. Donc, pour rappeler un peu toutes les mécaniques de Free to Play. Et au fur et à mesure, on débloque des nouveaux objets, des nouveaux combos, et, mais au final, on est toujours devant ce petit feu et il n'y a pas d'autre interaction que de mettre des objets dans le feu. Et voilà, c'est très sympathique. Mais pourquoi ça a été mémorable pour moi ? C'est du coup, tout au long du jeu, il y a une histoire, etc., etc. Et puis on avance, et on sent qu'il y a une tension dramatique et qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Et notamment, bah, le feu devient de plus en plus gros. Bon, je n'ai pas spoilé exactement ce qui se passe à la fin. Mais en fait, vers la fin du jeu, quand vraiment le feu battait son plein, mon PC s'est éteint. Genre d'un coup, sans raison. Et je n'ai pas pu le rallumer. En fait, ce qui se passait, c'est que le jeu avait eu tellement de particules, etc., etc., qu'il avait surchauffé. Du coup, ça avait cramé mon PC, en fait. Et finalement, on a réussi à le réparer 2-3 heures plus tard, une fois qu'il avait refroidi. Mais sur le coup, je me suis dit, waouh, ils ont posté l'expérience de jeu tellement loin qu'en fait, ils ont fait cramer mon PC. Et j'ai cru que c'était une volonté de gameplay. Bon, j'ai pensé ça pendant 3 secondes, mais c'était 3 secondes tellement fortes de me dire que le jeu était sorti du PC pour avoir un impact sur ma vraie vie. Je trouve ça fantastique parce que, en plus, c'est complètement raccord avec notre sujet, je trouve, des thématiques de jeu qui débordent sur la vie et qui. Je veux dire, les thématiques d'inclusivité qui, du coup, ont une réelle importance dans. Dans les espaces les espaces ludiques des gens qui vont jouer autour du jeu, mais aussi sur finalement l'organisation de société. Je trouve ça beau. Est-ce que, pour conclure, du coup, et avant de conclure, c'était pas la vraie dernière question en fait, pour du coup nos auditeurs et auditrices, où est-ce et comment on peut retrouver ce que tu fais sur internet, ton association, ton entreprise. Alors l'association, on n'a pas encore quoi que ce soit sur internet. On est vraiment au tout début, on construit à peine. Désolée, j'ai pas de quoi que ce soit à communiquer. Mettons, excuse-moi de te couper, mais mettons, je suis une femme ou une personne LGBT. Autre catégorie de population discriminée, et je veux travailler dans le jeu vidéo et je veux pouvoir m'inscrire, adhérer à l'association. Il y aura bientôt un formulaire de contact, etc., etc., mais pour l'instant il n'y a pas encore grand chose. Du coup, le nom de domaine qui a été acheté, c'est rijv.org, mais le site est encore vide pour l'instant, donc peut-être que d'ici un petit temps, il y aura quelque chose dessus. J'espère. On travaille dessus. Donc le mieux, à la limite, dans ce cas-là, c'est de nous contacter et on redirigera vers toi. Oui, ce qui m'amène du coup au deuxième point, donc par rapport à ce que fait l'entreprise et notre jeu. Donc en ce moment, on travaille sur un Normal Lost Fun. Il y a une version gratuite qui peut être jouée sur notre site accidentalqueens.com. Mais aussi, en ce moment, on cherche des testeurs pour tester la nouvelle version. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées à tester, elles peuvent nous contacter via notre contact qui est contact@accidentalqueens.com. Si par ailleurs les personnes veulent me contacter pour avoir plus d'informations sur l'association, elles peuvent aussi potentiellement aussi passer par là et on les redirigera vers les bonnes personnes. Bien, merci beaucoup en tout cas pour cette heure entière que tu nous as consacrée et merci pour tout le contenu très très intéressant de tes réponses. Merci à vous de l'invitation. C'est avec grand grand plaisir. Du coup, on va conclure ici et laisser nos auditeurs et éditrices méditer sur tout ce qu'on a pu dire, parce que c'est vrai que je pense qu'il y avait plein de choses, il y a plein de choses à assimiler. Je te remercie de nouveau d'avoir participé à ce podcast. Adrien, d'avoir supporté voilà, très bien. Et tous nos éditeurs et toutes nos auditrices pour nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup.